Quand une pause devient nécessaire, autant choisir les meilleures conditions de sécurité. Je peux être tenté de traverser et de me garer à gauche. Le problème, c'est qu'au moment de repartir, je devrais retraverser la route et pour cela franchir une ligne continue et faire face aux usagers arrivant des deux côtés. On peut aussi imaginer un véhicule se garant face à moi et masquant la visibilité en face. Un parking existe à 300 mètres d'ici qui sera aménagé dans mon sens de circulation. Mieux vaut choisir la sécurité. Je ne suis pas à 300 mètres près. Réponse B.